إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, on va lire ensemble une conférence du Cheikh Saleh Ibn Abdel Aziz al-Sheikh au sujet de, des droits de la fraternité, حقوق الأخوة. Et c'est un sujet qui est très important, et très mal compris, et très ignoré aujourd'hui, malheureusement. Et donc, inshallah, on va profiter donc de ces quelques heures aujourd'hui et demain, inshallah, pour lire ensemble cette conférence. Et en même temps, ça va nous aider à corriger entre nous nos liens de fraternité, à améliorer nos liens de fraternité islamique et en même temps aussi, donc, corriger parfois aussi notre conception au sujet de cette question-là. Parce que, on a remarqué parfois des erreurs dans la façon de comprendre al-ukhuwa dans l'islam. Pour certaines personnes, yani, ils ont une notion très superficielle. Donc, on va lire les paroles du Cheikh à ce sujet pour clarifier donc au fur et à mesure. Puis quand il y a des points où on a besoin d'élaborer un peu plus, eh bien, on va élaborer quand c'est nécessaire, inshallah. Mais la fraternité en islam, c'est pas n'importe quelle fraternité. C'est-à-dire que c'est pas une fraternité absolue. Dans le sens qu'elle n'a pas de conditions ou de règles. Non. C'est une fraternité spécifique qui est gérée et réglée par des principes et par des règles, par des versets et par des hadiths dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Et tout au sujet de la fraternité islamique a été mentionné dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on veut la comprendre, il faut s'y référer. Hein? Et à l'intérieur de l'islam, il n'y a pas plusieurs confréries. Comme certains, ils ont la notion des confréries en islam. Hein, qu'est-ce qu'ils appellent, par exemple, chez certains, comme par exemple des groupes qu'on appelle les soufis, ils ont, quand ils traduisent en français le terme, ils le traduisent par confrérie. Ça voudrait dire qu'à l'intérieur de l'islam, il y a différentes confréries. Non. Dans l'islam, il n'y a qu'une seule confrérie, c'est la confrérie de l'islam. Et tous les musulmans sont des frères, sans qu'il y ait à l'intérieur des sections ou des différentes parties. Hein? C'est pour ça que l'islam interdit justement ce qu'on appelle al-hizbiya, le partisanisme, de faire des parties, de faire des groupes, des jama'at, hein, et de se diviser entre nous. Non, on a un seul hizb, une seule jama'a, et une seule confrérie, et c'est l'islam. Hein? Et ceux qui divisent la religion à l'intérieur, et qui font des divisions dans la fraternité islamique, c'est les gens qui opposent l'islam. Et c'est ça qui fait que beaucoup de musulmans aujourd'hui ont mal compris la signification de la fraternité islamique. D'accord? Donc, on va donc commencer tout de suite la parole du Cheikh, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Donc le Cheikh il commence donc par l'introduction. Il témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et qu'il n'a pas de qu'il n'a pas de partenaire et d'associé, que c'est lui seul qui doit être adoré. Et il témoigne que Muhammad est son messager et son serviteur, celui que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et son ami intime. Et il envoie la paix et la salut sur lui ainsi que sur ses proches et sur ses compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, أما بعد فموضوع هذا الدرس حقوق الأخوة ونعني بها ما يشمل الحق المستحب والحق الواجب وليس المراد تفصيل ذلك وإنما ذكر الحقوق بعامة ومنها ما هو واجب وما هو مستحب وهناك حقوق أخرى تركت أيضا لضيق المقام عنها. Donc le cheikh il dit que le sujet dont on va parler maintenant c'est de la fraternité. Et comme vous allez voir, c'est pas seulement la fraternité entre les hommes, mais aussi la fraternité entre les femmes entre elles. Hein? Comme on dit, la sororité, si on traduit en français, je crois que c'est le bon terme. Donc, ça comprend donc les droits de la fraternité, les droits qui sont recommandés et les droits qui sont obligatoires. Et le but de cette conférence, c'est pas de rentrer dans les détails. Hein, mais de parler des droits de façon générale et d'expliquer qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est recommandé dans ces droits-là. Et il y a d'autres droits qui existent, mais qu'on a laissés à cause du temps qui est limité. On ne peut pas élaborer trop là-dessus. Il dit ensuite « وهذا المقام هو الحق وهذا المقام وهو حق الأخوة » من المقامات العظيمة التي أكدت بالنصوص ورعايتها رعاية للعبودية وإهمالها إهمال لنوع من أنواع العبودية لأن حقيقة العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Donc le cheikh il dit que ce niveau de la religion, hein, cet aspect de la religion, l'aspect de la fraternité, c'est un des statuts qui est très grand, très important dans la religion de l'islam et qui a été confirmé par de nombreux textes du Coran et de la Sunna. Donc, de se préoccuper et de donner à ce sujet de l'importance, ça fait partie de donner de l'importance à un des aspects de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de négliger cet aspect-là, c'est de négliger un des aspects qui rentre dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la réalité de l'adoration dans l'islam, c'est que c'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime parmi les paroles et les actions, qui sont intérieures ou extérieures. Al-Ibada, c'est ça la définition, comme Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il le mentionne. Et ensuite, il dit le Cheikh, وَمِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ أَلَّتِي يَرْضَاهَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى وَيُحِبُّهَا مَا أَمَرَ بِهِ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْأَخِ عَلَى أَخِيهِ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْأَخ قد قامت بينه وبين أخيه مودة خاصة ومحبة خاصة واقتران خاص. Donc il dit le cheikh que donc parmi les actions et les parmi les paroles et les actions que Allah agrée et aime, il y a par exemple le fait de respecter et de donner à notre frère son droit. Hein? Et il y a parmi ces droits-là, bien entendu, des droits qui sont des droits général de fraternité, et il y a des droits de fraternité qui sont plus particuliers, wa alaykum salam wa rahmatullah, plus particuliers et plus spécifiques, dans le sens que parfois, entre deux frères musulmans, il se peut qu'il y ait ou qu'il se crée certains, wa alaykum salam wa rahmatullah, certains liens d'amour et de fraternité plus particulières, hein, dans le sens que deux personnes vont être amies et proches, en plus d'être des frères en islam, et donc ça rajoute dans la fraternité islamique des droits supplémentaires et particuliers dans ce cas-là, à cause de cette relation d'amitié qui existe. Et ça c'est établi sur, le cheikh dit « قَائِمٌ عَلَى التَّحَابُ لِلَّهِ عَلَى التَّحَابِ فِي اللَّهِ وَطَاعَتِهِ فَاقَ أَنْ يَكُونَ لِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ مِنْ إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ فثم حق للمسلم على المسلم للأخ على أخيه من جهة أنه مسلم وثم حقوق بين هذا وهذا وهذه الحقوق ينبغي أن يراعاها الأخ المسلم كبيرا كان أو صغيرا وأن ترعاها أيضا المسلمة فإذا قلنا حقوق المسلم على المسلم وحقوق الأخوة فهو شامل للحق بين الكبير وبين الصغير بين الرجال وبين النساء أيضا والله جل وعلا في كتابه العظيم امتن على عباده المؤمنين بأنه جعلهم بنعمته أو بنعمته بالإسلام إخوانا قال جل وعلا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Donc le cheikh il dit donc que ces liens de fraternité là qu'on a mentionné, ils sont établis sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que c'est pas n'importe quelle fraternité, hein. Les koufars entre eux, ils ont de la fraternité, hein, et ils ont des liens de fraternité. Et même des fois, ils ont des organisations ou des confréries, ils appellent ça des confréries, hein, et ils organisent des activités entre eux, ils disent qu'ils sont des frères. Et même dans certains pays, vous avez comme slogan, hein, la fraternité, que ça fait partie de leurs emblèmes ou de leurs slogans. Mais c'est une fraternité qui est basée sur autre que l'islam. Donc, la fraternité en islam, ce n'est pas n'importe quelle fraternité, c'est une fraternité qui est établie sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala et en l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, elle va augmenter ou diminuer selon l'amour. L'amour, elle va augmenter ou diminuer dans cette relation selon le lien qu'il y a d'amour en Allah et d'obéissance en lui. Donc ça c'est juste une petite parenthèse en passant pour aider à mieux comprendre la notion. Et en plus, lorsqu'on a dit comme tout à l'heure que certains, ils auront des liens d'amitié avec certaines personnes, ça rajoute à ces droits de fraternité là des droits plus spécifiques et plus particulier que le simple lien de fraternité entre les musulmans. Et il y a le droit du musulman envers son frère musulman, du point de vue que c'est un musulman, yani un musulman envers son frère. Puis il y a des droits aussi entre les deux. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit que il est nécessaire de donc faire attention et de donner de l'importance, hein, aux droits que notre frère musulman a sur nous, qu'il soit âgé ou jeune, c'est-à-dire qu'il soit avancé en âge ou jeune, qu'il soit que ce soit un homme ou une femme, c'est-à-dire les femmes elles ont des droits sur les hommes et les hommes ont des droits sur les femmes. Et les femmes entre elles ont des droits, et les hommes entre eux ont des droits. Donc tout ça, ça comprend les liens de les droits de la fraternité, ils comprennent toutes ces choses-là, tous ces aspects-là. Et donc ça comprend les droits entre les personnes âgées, envers les petits, entre les hommes entre eux, entre les femmes entre elles, et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, il a mentionné la faveur qu'il a faite aux croyants du fait qu'il leur a donné cette faveur ou cette grâce de l'islam qui a fait d'eux des frères. Il mentionne donc dans le verset 103 dans Surat Al-Imran la parole suivante qui signifie « Et vous êtes devenus par sa grâce des frères. Hein? Alors que vous étiez au bord d'un gouffre ou d'un ravin de feu et il vous en a sauvés. » Il vous a sauvé de ce gouffre. Et donc, ça c'est une des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette fraternité, elle vient à cause de cette foi. Beaucoup d'entre nous ici, on est de pays différents, d'origines différentes. On parle des langues maternelles différentes. Et si ce n'était pas de l'islam, il n'y a rien qui pourrait nous réunir, excepté la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'islam. Hein? Donc alhamdulillah rabbil alamin ala hadhihi an-ni'ma. Donc le cheikh dit ensuite wallahu jalla wa ala lamma amtanna ala ibadihi al-mu'minina bi annahu alafa bayna qulubihim wa ja'alahum bi ni'matihi ikhwana dallana dhalika ala anna hadhihi al-mahabbata fillah wa ala anna hadha anna hadhihi al-ukhuwah fillah من النعم العظيمة التي جعلها الله جل وعلا في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض رعاية هذه النعمة والمحافظة عليها واعتراف بأنها نعمة من ومنة من الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit, donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette grâce qu'il a fait d'avoir réuni leur cœur, le cœur des croyants, et d'avoir fait d'eux, par sa grâce, qu'ils deviennent des frères, et ça nous indique donc que cette fraternité, elle doit être basée sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cette fraternité, elle doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en l'obéissance et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette grâce, cette grande grâce, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis dans le cœur des croyants, les uns envers les autres. Et il faut donc nourrir cette fraternité et ce lien de fraternité, et continuer donc à la préserver si on veut qu'elle reste solide et sincère. Parce que si on la néglige et qu'on la délaisse, eh bien, elle s'affaiblit et on risque de perdre cette grâce. Donc c'est très important. Malheureusement, yani, des fois, il y a l'influence de l'environnement dans lequel on vit, ça a un impact du fait que des fois on ressent que, yani, on est tellement préoccupé par la dunya ou par d'autres choses qu'on néglige les liens de fraternité qui doivent exister entre nous. Donc c'est des réflexions et des choses qu'on lit pour nous-mêmes dans le but d'essayer de nous faire justement réaliser et comprendre nos manques et nos faiblesses et nos oublis et nos péchés pour qu'on puisse essayer de se corriger et de s'améliorer. Et vous allez voir à travers la conférence du Cheikh beaucoup de choses qui sont mentionnées. Et moi, quand je l'ai entendu la première fois et quand je l'ai lu la première fois, j'ai vu beaucoup de choses. Je me suis dit, ça c'est vrai, il faut qu'on corrige ces choses-là entre nous et en nous-mêmes, chacun d'entre nous, en nous-mêmes. Moi en premier et ensuite chacun d'entre nous parmi les frères et les sœurs. Donc, ça c'est pour vous dire que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler ensemble pour essayer de s'améliorer dans ces choses-là. Donc, il dit... واعتراف بأنها نعمة ومنة من الله جل وعلا. Donc il faut reconnaître que c'est une grâce d'Allah, cette fraternité, et que c'est une faveur d'Allah سبحانه وتعالى. إذ النعم يحافظ عليها والنقم يبتعد عنها ويحذر منها. Donc les grâces, on doit les préserver, et les châtiments ou les choses mauvaise, il faut s'en écarter et être averti contre ces choses mauvaises-là qui peuvent nous atteindre. وَلِهَذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ بِنِعْمَتِهِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ حُصُولَ الْأُخُوَّةِ وَحُصُولَ الْمَحَبَّةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا هُوَ بِفَضْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وهذا دلت عليه الآية الأخرى قال جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فالذي جعل هذا يحب ذاك وجعل هذه القلوب على اختلاف أقطارها واختلاف جنسياتها واختلاف قبائلها واختلاف طبقاتها متحابة في الله تشترك في أمر واحد وهو إقامة العبودية لله جل وعلا. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Il dit, c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et vous êtes donc devenus par sa grâce des frères. Certains hommes de science parmi les savants ont dit que quand il dit par sa grâce, c'est pour noter que le fait qu'on acquiert ou qu'on obtient cette fraternité-là, qu'on obtient cet amour entre les croyants, c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça s'est prouvé par un autre verset dans le Coran qui mentionne justement ce point-là. Le verset 63 dans Sourate Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si tu avais, hein, ce qui signifie, et si tu avais donné tout ce qu'il y a sur la terre entière, hein, dans le but de réunir entre leurs cœurs, tu n'aurais pas été capable de réunir entre leurs cœurs. Mais c'est Allah qui a uni leurs cœurs. Hein? Donc même si tu essaies d'utiliser de l'argent pour réunir entre le cœur de ces gens-là, tu n'aurais pas été capable. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a, hein, réuni leur cœur sur la foi. Donc qu'est-ce qui fait en sorte que, qu'est-ce qui a fait que celui-là il aime un tel, et qu'il y a cet amour entre les cœurs malgré la différence qui existe dans les pays d'origine de ces gens-là, la différence entre leur nationalité, la différence de leur tribu, la différence de leur degré, de leur niveau, de leur statut social, et qu'il a fait, qu'est-ce qui fait que tous ces cœurs-là entre eux, ils sont réunis par une seule chose, c'est quoi? L'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont réunis sur ça? C'est l'amour, c'est une seule chose, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'établir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, وهو إقامة العبودية لله جل وعلا هو أن أصحابها صاروا إخوة في الله جل وعلا بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمته. قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن أعظم النعمة أعظم الرحمة التي يفرح بها هذا القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، روى أن الصدقة جاءت إلى المدينة فخرج عمر رضي الله عنه وخرج معه مولاه لأرض الصدقة أو للمكان الذي تجتمع فيه إبل الصدقة، فلما رأى الغلام هذه الكثرة الكاثرة من إبل الصدقة من الصدقات التي جاءت وأنها ستوزع بين المسلمين، قال له هذا فضل الله ورحمته، هذا فضل الله ورحمته يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه كذبت، ولكن فضل الله ورحمته القرآن، فأعظم ما يفرح به أن يكون المرء متمثلا أو ممتثلا لما جاء في هذا القرآن، لأنه خير لنا في هذه الحياة الدنيا وفي العاقبة. Donc ici le cheikh il mentionne que qu'est-ce qui fait que on est unis entre nos cœurs, c'est quoi? C'est que on reconnaisse donc que on est devenu des frères en Allah subhanahu wa ta'ala par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa grâce et par son par sa miséricorde. Et il mentionne un verset dans sourate Yunus, le verset 58, il dit que la grandeur de cette grâce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a faite et la grandeur de cette miséricorde, il mentionne le verset qui dit c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa miséricorde, c'est pour ces choses-là que vous devez vous réjouir. C'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde que vous devez vous réjouir, car c'est meilleur que ce que vous avez rassemblé ou réuni. C'est-à-dire que on doit se réjouir de cette grâce-là. Et c'est quoi cette grâce? Et c'est quoi cette miséricorde? C'est le Coran al-Karim, comme le Cheikh le mentionne, et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il rapporte une histoire qui supporte cette explication-là et qui clarifie justement cette signification-là, que cette grâce et cette miséricorde, c'est justement c'est ça qui fait notre fraternité, et c'est pour ça qu'on doit se réjouir. Il dit que lorsque le verset a été, il mentionne l'explication, parmi les explications du verset, c'est expliqué selon Ibn Abi Hatim dans son tafsir, que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour sa miséricorde que vous devez vous réjouir, car et c'est meilleur que qu'est-ce que vous avez réuni. On a rapporté que la sadaqa est arrivée à Médine, à la ville de Médine. Et que il y avait beaucoup de, comment on dit, des chameaux de la sadaqa ou de la zakat qui ont été rassemblés et qui ont été ramenés à Médine. Et ils les ont donc rassemblés à un endroit de la ville. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, avec son serviteur, son esclave, ils sont partis vers cet endroit-là où étaient réunis tous les chameaux qu'on avait réunis de la zakat pour que ce soit distribué à tous les musulmans. Alors, quand le serviteur de Omar, l'esclave de Omar, a vu la quantité de chameaux qui étaient rassemblés à cet endroit-là, il a été réjoui de ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça c'est la grâce d'Allah et la miséricorde. Ça c'est la grâce et la miséricorde d'Allah, ô Amir al-Mu'minin. Alors Omar, radiallahu anhu, il a dit, kadhabta. Qu'est-ce que tu dis? Tu as menti, c'est pas vrai. C'est pas ça la grâce d'Allah et la miséricorde. Il dit, la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est quoi? C'est le Coran. La grâce d'Allah et la miséricorde, c'est le Coran. Il dit, parce que, donc, c'est ça en fait. Et dans le verset, quand on parle de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, on parle donc de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran et de la Sunna. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, la plus grande chose de laquelle on doit se réjouir, c'est du fait que quelqu'un soit sûr ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé comme application. C'est-à-dire, si tu veux te réjouir de quelque chose, réjouis-toi du fait que dans ta vie, tu as implémenté le Coran et que tu as mis en application la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as implémenté ça et mis ça en application dans ta personne et dans ta vie, c'est de ça que tu dois te réjouir. Et que c'est la plus grande chose pour laquelle quelqu'un doit se réjouir. Parce que c'est qu'est-ce qui est meilleur pour nous dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. والأحاديث التي تحث على أن يكون المرء المسلم يؤلف نعم يؤلف ويؤلف كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا والموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وفي حديث آخر رواه أحمد وغيره مروي من طرق وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يألف ويؤلف وفي لفظ المؤمن مألف يعني يألفه من يراه لأنه لا يرى لإخوانه ولا يرى للناس إلا الخير وقد أمر الله جل وعلا الناس بذلك في قوله جل وعلا وقولوا للناس حسنا وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعلا يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي أين المتحابون بجلالي يعني الذين تآخوا محبة في الله ورغبة فيه. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ensuite? Il dit qu'il y a de nombreux hadiths qui expliquent que le musulman, il doit être le genre de personne qui attire les gens et qui font que les gens qui attire les gens et qui aime les gens. Yani qui attire les gens et que les gens sont attirés par lui. Par son comportement, par sa façon d'être, il rassemble les gens et les gens veulent être avec lui. Il veut être avec eux et eux veulent être avec lui. C'est comme ça que le musulman doit être. Donc si on peut le traduire de cette façon-là. Yani. Et donc, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est Hassan, rapporté par Tabarani et qui est authentifié par Sheikh Al-Albani dans Al-Jami' Sahih Al-Jami', le hadith 1231. Il dit que le plus proche, la personne qui va être assise le plus près de moi au jour de la résurrection, c'est la personne qui aura le meilleur d'entre vous, c'est la personne d'entre vous qui aura le meilleur comportement. C'est lui qui sera le plus proche de moi au jour de la résurrection. Et c'est ceux qui vont justement qui rapprochent les gens et que les gens aiment se rapprocher de lui, qui aiment se rapprocher des gens et que les gens aiment se rapprocher de lui. Et dans un autre hadith qui est rapporté donc dans le Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le croyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant c'est celui qui se rapproche des gens et que les gens aiment se rapprocher de lui. Et il a dit la même chose mais dans un autre terme, mais qui a la même signification. Al-mu'min ma'lafa. Yani, les gens qui le voient, ils l'aiment. Ils le voient, ils l'aiment tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient de son frère musulman que ce qui est bon. Et ils ne voient des musulmans en général que le bien. Ils ne cherchent pas à voir le mal ou les défauts. وقد أمر الله جل وعلا الناس بذلك. الله سبحانه وتعالى أخذني سادة القرآن إلى دي وقولوا للناس حسنا. Dites aux gens une bonne chose, une parole bonne. Ça c'est dans le verset 83 dans sourate Al-Baqarah. Et ça c'est un exemple de choses qui aident à augmenter la fraternité et l'amour entre les frères. Quand on se voit, on se dit des choses bonnes, pas des insultes, pas de se rabaisser les uns les autres ou de se dire des choses qui vont faire en sorte qu'on va être on va trouver cette parole déplaisante, parce que des fois c'est l'habitude, surtout quand on a grandi dans une société qui n'est pas une société islamique ou bien une société qui a été affectée par des comportements qui sont contraires à l'islam et qu'on a grandi dans cette société là on prend des mauvaises habitudes. Et parmi ces mauvaises habitudes-là, c'est de se dénigrer les uns les autres, de se rabaisser les uns les autres, de s'insulter les uns les autres. Et ça devient normal. Et tu vois même ça chez les koufars, quand ils se rencontrent entre eux, ils s'insultent pour rire les uns les autres. Ils se rabaissent les uns les autres, ils se ridiculisent les uns les autres, ils se moquent les uns des autres. Ça ne fait pas partie des comportements de l'islam. Et ça, c'est pas correct. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de dire une bonne parole. Et ça fait en sorte que tes frères, ils vont être contents d'être avec toi et ils vont t'aimer. Et toi, tu vas aimer être avec eux parce qu'ils te disent des bonnes paroles. Donc ça fait partie des choses qui augmentent et qui aident à consolider les liens de la fraternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit donc le croyant, il aime les gens et les gens l'aiment. Il fait que les gens se rapprochent de lui et lui se rapproche d'eux. Et il n'y a pas de bien dans la personne qui est, il n'est pas proche des gens et que les gens ne se rapprochent pas de lui. Et c'est rapporté dans Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala va dire au jour de la résurrection, où sont ceux qui se sont aimés entre eux dans ma majesté? Où sont ceux qui se sont aimés pour ma majesté ou en ma majesté au jour de la résurrection? Allah subhanahu wa ta'ala va poser cette question. Où sont ceux qui se sont aimés en ma majesté, en moi, c'est-à-dire dans mon agrément et dans ce que j'aime, qui se sont aimés pour moi? Aujourd'hui, je vais les couvrir de mon ombre, le jour où il n'y a pas d'ombre excepté la mienne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va les couvrir au jour de la résurrection par son ombre à cause de ça justement. Parce que ce jour-là, on sait que au jour de la résurrection, le soleil sera rapproché des têtes. et que les gens vont être debout pendant 50 un jour qui a une durée de 50 000 ans. Hein? Et donc, les gens seront noyés dans leur sueur. Certains auront la sueur à différentes hauteurs selon leurs actions. Certains auront la sueur jusqu'au genou, d'autres jusqu'à la taille, d'autres jusqu'au cou. Et donc, d'autres seront noyés dans leur sueur à cause de la chaleur intense ce jour-là. Et parmi les hommes, il y en aura qui seront couverts par l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Hein? Et c'est, bien entendu, parmi cette catégorie-là, il y a ceux qui se sont aimés en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Cheikh il dit, أين المتحابون بجلاله يعني أين الذين تآخوا محبة في الله ورغبة فيه لم تقرب بينهم أموال ولا أنساب هذا هو الذي دل عليه الحديث الآخر المتفق على صحته المشهور سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه فهذه النصوص تدل على عظم شأن المحبة في الله وعلى عظم شأن ما تقام الأخوة في الله على أساس من المحبة التي جاءت في النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. الشيخ يزيد donc Allah, il pose la question, où sont ceux qui se sont aimés pour moi, pour ma majesté, ma grandeur, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne se sont pas aimés pour autre chose que pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et par l'amour d'Allah, et en Allah. Hein? Et pour l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pas l'argent qui les a ramenés ensemble. C'est pas les intérêts de la dunya qui les a rassemblés entre eux. Non, c'est pas les intérêts économiques ou des choses de ce genre. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pas les liens de parenté ou les liens du pays pour dire ah, on est ensemble parce qu'on est de telle origine ou de tel pays. Non. C'est la chose qui les a réunis, c'est uniquement l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est clarifié dans une autre narration de ce hadith-là, dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et qui est très célèbre. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc qu'il y aura 7 catégories de personnes qui seront couvertes par l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Le jour où il n'y aura pas d'ombre, excepté son ombre. Et parmi ces gens-là, il a mentionné 2 hommes. Parmi ces 7 catégories, il y a 2 hommes qui se sont aimés uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont rassemblés sur l'amour d'Allah et ils se sont séparés sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, s'ils se sont réunis, c'est par amour d'Allah. Et s'ils se sont séparés, c'est par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça, c'est une des catégories des gens qui seront couverts par l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc, ces textes-là, ils nous montrent la grandeur de l'importance de la fraternité en Allah subhanahu wa ta'ala, de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'importance, la grande importance de la base sur laquelle est établie cette fraternité-là, c'est-à-dire l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a de nombreux textes dans le Coran et dans la Sunna qui sont mentionnés à ce sujet. Et donc, le Cheikh dit « وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُنَاكَ حُقُوقٌ بَيْنَ الْمُتَحَابِينَ » فهناك حقوق بين المتحابين وهناك حقوق للأخوة قال الله جل وعلا في شأنها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال العلماء معنى قوله بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم ينصر بعضا بعضهم يواد بعضا بعضهم يحب بعضا إلى سائر تلك الحقوق فالموالاة عقد بين المؤمن والمؤمن بين المسلم والمسلم ولها درجات بحسب تلك العلاقة وتلك المودة بين الأخ والأخ وهذه الحقوق متنوعة نَذْكُرُ بَعْضًا مِنْهَا. Donc, le cheikh, il explique que il y a des droits entre donc il y a des droits entre ceux qui s'aiment entre eux et des droits entre les frères par rapport à la fraternité de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet justement dans le verset 71 dans sourate Tawbah, et les croyants et les croyantes, ils sont alliés les uns des autres. Hein? بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف. Ils ordonnent le bien. Ils interdisent le mal. Donc, quand on dit بعضهم أولياء بعض, أولياء, le mot أولياء, c'est le pluriel du mot wali. Et le wali, ça vient du mot wala, al-wala. Al-wala, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait d'être proche, de se rapprocher, le fait de s'aimer, de se rapprocher, de se défendre les uns les autres, hein, de s'entraider. Donc c'est ça al-wala. Donc quand dit ba'duhum awliya ou ba'd, les uns sont alliés des autres. Donc ça c'est une signification très importante qui a un lien avec l'amour. OK? Et quand il dit ici que il dit ce verset, il dit les ulama ont mentionné que la signification de ba'duhum awliya ou ba'd, ça veut dire que ils doivent venir au secours les uns des autres et se défendre les uns les autres et s'aimer les uns les autres. Hein? Et de même que tous les autres droits qui sont mentionnés dans l'islam. Donc, il y a un contrat qui a été signé entre chaque musulman, chaque croyant. Du moment qu'il est musulman, il a un contrat envers son frère, qu'il doit le défendre, qu'il doit le supporter, qu'il doit l'aimer, qu'il doit yani, l'aider lorsqu'il a un problème. Et ce contrat-là, c'est entre les musulmans, entre eux, et bien entendu, il y a des différents degrés dans ce contrat-là, bien entendu, selon la relation qui existe, l'amour des frères avec son frère, et il y a bien entendu des droits différents qui existent, et on va mentionner certains de ces droits-là dans cette conférence. Maintenant, le cheikh, il commence, à partir de ce point, il commence à citer et à nommer une série de droits, une liste de droits qui doivent être établis et respectés et appliqués entre les musulmans. Et ça, c'est très important parce que les musulmans ont oublié cet aspect de leur religion. Pas tous, mais certains musulmans ont oublié ou ont négligé cet aspect qu'on appelle hein, de al-wala, de l'amour et de la fraternité entre les musulmans. À un tel point que, yani, parfois, tu vas voir un musulman dans la rue, il passe à côté de toi, c'est comme si c'était un étranger. Il ne va pas te dire salam, il ne va pas te regarder, il ne va même pas te parler. Hein? C'est comme s'il n'y a aucun lien entre eux et lui. Hein? Donc ça, c'est contraire à l'islam. Le musulman, il est le frère de son frère musulman. Et quand ils se voient entre eux, ils doivent s'entraider. Si un musulman, par exemple, qui est en détresse ou en problème, c'est le devoir de son frère musulman de lui venir en aide, par exemple. Alors que tu vois des fois que si un musulman il a un problème, les gens vont passer, ils vont même pas lui venir en aide parfois. Donc ça c'est un problème parce qu'on n'a pas compris la signification de la fraternité. Le cheikh il commence avec le premier point, al-awwal. Al-haqq al-awwal an yuhibb akhahu la lighard min ad-dunya wa huwa al-ikhlas fi hadhihi al-ubudiyyah li'annaha idha kanat lillahi baqiyat amma idha kanat lighard min aghrad ad-dunya fa innaha tadhhab wa tadmahil. والإخلاص في المحبة وفي معاملة الأخوة أن يكون المرء لله أن يحب المرء لله كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Donc le cheikh explique que le premier des droits de la fraternité, c'est que cette fraternité soit basée sur la sincérité en Allah, al-ikhlas. Il faut que ton amour pour ton frère soit uniquement pour Allah, pour le plaisir et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas pour les intérêts des choses de la dunya. Il y a parfois certaines personnes, hein, des frères musulmans, entre eux, ils s'appellent uniquement quand ils ont besoin de quelque chose. Quand ils ont besoin de quelque chose, tu vois, quelqu'un il va passer 2 mois, 3 mois, 4 mois sans jamais appeler son frère. Du moment qu'il a besoin de lui parce qu'il a pensé à quelque chose de la dunya, là tout d'un coup il l'appelle. Donc ça c'est pour faire comprendre que c'est pas correct. Entre nous, on devrait toujours essayer de garder cette communication-là et ce lien-là et cet amour pour que ce soit uniquement pour Allah et non pas pour les choses de la dunya. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des interactions entre nous par rapport à des choses de la dunya, mais que notre amour soit basé pas sur ces intérêts-là. Notre amour soit basé sur notre amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Si le cheikh il dit, donc il faut qu'on soit pur dans notre intention et dans notre fraternité, dans cette adoration-là, parce que c'est une forme d'adoration d'aimer pour Allah. Et donc, si cette adoration, si cette fraternité qu'on a, notre lien de fraternité qu'on a avec nos frères est basé sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur notre foi en Allah, elle va demeurer, elle va rester solide. Mais si elle est uniquement basée sur des intérêts, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mais si elle est uniquement établie ou basée sur des intérêts de la dunya, alors elle va disparaître, elle va partir cette fraternité-là. Elle n'est pas solide, elle n'est pas basée sur rien de solide. Donc le cheikh il dit que il faut donc avoir qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-ikhlas, la pureté et la sincérité dans notre amour et dans la façon qu'on agit envers nos frères, que on aime quelqu'un uniquement pour Allah. Et des fois les frères ils posent la question, qu'est-ce que ça veut dire aimer pour Allah, qu'est-ce que ça veut dire aimer en Allah, comme on dit en arabe al-hubbu lillah, al-hubbu fillah. Qu'est-ce que ça signifie fillah wa billah, yani al-mahabba lillah, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit on aime en Allah, ça veut dire on aime dans tout ce qui apporte ou amène qu'est-ce que Allah aime. Si tu sais que ton frère il fait quelque chose que Allah aime, tu l'aimes pour cette chose-là qu'il fait qui plaît à Allah. C'est ça que ça veut dire. Tu l'aimes parce qu'il obéit à Allah. Tu l'aimes parce qu'il croit en Allah. Tu l'aimes parce qu'il est avec un bon comportement. Et ça, ça fait partie de l'islam. Donc, tu aimes ton frère pour ce comportement qu'il a de l'islam. Hein? C'est ça que ça veut dire aimer en Allah. Et détester pour Allah, c'est par rapport au fait que tu détestes cette personne-là parce qu'elle fait quelque chose qui déplaît à Allah. Donc, ton amour, il doit être pour Allah. Et si tu détestes ton frère, tu détestes parce qu'il fait quelque chose qui déplaît à Allah et que Allah déteste. Donc c'est la balance, c'est l'équilibre. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, le cheikh, il explique ici, il dit, il est mentionné dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim, il dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a 3 choses que si elles sont présentes en une personne, il va trouver en lui la douceur de la foi. Il va trouver en lui la douceur de la foi par rapport à ces 3 caractéristiques-là. Il a mentionné, la première chose, c'est que il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Que son amour pour Allah et pour son messager, sallallahu alayhi wa sallam, soit au-dessus de tout autre amour. Deuxièmement, qu'il aime une personne, mais qu'il ne l'aime que pour Allah. Il l'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième caractéristique pour que la personne ait cette douceur de la foi, hein, halawa hein, cette saveur de la foi, c'est qu'il déteste revenir à la mécréance ou retourner à la mécréance après en avoir été sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il détesterait être jeté dans le feu. De la même manière qu'il détesterait être jeté dans le feu, il déteste retourner à la mécréance de la même façon. Hein? Celui qui goûte à ça, il a goûté à la douceur de la foi. Donc, le cheikh il dit, فَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثِ مَنْ كُنَّ فِيهِ ذَاقَ بِهِنَّ حَلَوَةَ الْإِيمَانِ وَمِنْهَا أَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ إذن فليس الشأن أن تكون محبا لأخيك وإنما الشأن في هذه العبودية أن تمتثل ما أمر الله جل وعلا به وأن تكون محبتك لله لا لغرض من الدنيا فإذا أحببته فلما في قلبه من محبة الله والتوحيد وتعظيم الله جل وعلا لما في قلبه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est la suite, le cheikh explique, il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que ces trois caractéristiques là, celui qui les possède, il va goûter à la saveur ou à la douceur de la foi. Et parmi ces caractéristiques là, il y a que le frère, le musulman, il va aimer quelqu'un uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est pas donc juste le fait que tu aimes ton frère, mais que tu l'aimes, hein, en respectant cette adoration-là et en implémentant ce que Allah a ordonné. Et que ton amour pour ton frère ne soit pas pour un intérêt de la dunya. Il y a des gens, hein, qui aiment leur frère, et il y a des sœurs qui aiment leur sœur uniquement pour des choses de la dunya. Ça, c'est une erreur. Ça devrait être, notre amour devrait uniquement être pour la dunya, non. Pas pour la dunya. Pour Allah seulement. Hein, à la base. Des fois, il y a des musulmans qui sont riches, d'autres qui sont pauvres. Il y en a qui jugent les musulmans par qu'est-ce qu'ils possèdent comme richesse ou comme bien. Il dit, ah, moi je veux pas être avec des pauvres, je veux seulement être avec des riches musulmans. Alors que peut-être que ce riche musulman, il n'a pas un bon comportement, tandis que ce pauvre musulman, il a un bon islam, il aime le Coran, il aime la sunna. Donc tu dois aimer et préférer ce musulman qui est sur la sunna. Et si c'est le riche qui est plus sur la sunna et plus croyant, et que le pauvre il est pécheur ou qu'il est loin de la sunna, eh bien tu dois aimer plus ce riche que ce pauvre. C'est pas par rapport à l'argent, c'est par rapport à l'amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à ce lien de fraternité que tu as envers ton frère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est important de comprendre, hein, ces choses-là. Donc, il dit, tu dois donc aimer ton frère par rapport à ce qu'il a dans le cœur comme amour d'Allah, par rapport à son tawhid, hein, l'amour qu'il a pour le tawhid, et le respect qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala, et par rapport à qu'est-ce qu'il a dans le cœur comme comme suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est pour ces raisons-là que tu dois aimer ton frère. C'est pour cette raison-là qu'une sœur doit aimer sa sœur en islam. C'est très important, ces choses-là. Et bien entendu, tu vas dire, bon, on peut pas savoir, on peut pas voir dans le cœur de la personne. Et ça, c'est certain, on peut pas voir à travers le cœur. Parce que on voit pas l'intention, la sincérité, c'est caché. C'est Allah seulement qui voit ça. Mais par les expressions qui sortent dans ses paroles, dans ses actions, dans sa façon d'agir, tu vois son amour pour la sunna, tu vois son amour pour le tawhid, tu vois sa haine pour le kufr, tu vois sa haine pour le shirk, tu vois sa haine pour la bid'a. C'est des choses qui font que tu l'aimes. Hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des exemples. Tu vois, quelqu'un, il se fâche pour Allah. Tu l'aimes pour ça. Parce que c'est une bonne qualité. Tu vois, quelqu'un, il voit des bid'ahs, il voit du kufr, il voit du shirk, il entend du shirk, il entend du kufr, ça le met en colère. Il n'aime pas ces choses-là. Tu l'aimes pour ça. Parce que tu dis, lui, ça, c'est des signes qu'il a la foi. ça se distingue qu'il aime Allah et que quand on parle contre Allah ou qu'on fait quelque chose contre Allah ou qu'on contredit la religion d'Allah, ça le dérange. Ça, c'est un signe qu'il a la foi. Moi, j'aime ces caractéristiques-là en ce frère. C'est pour ça que je l'aime, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des exemples de la fraternité. Et la même chose pour une sœur avec sa sœur. Hein? On dit, ah, cette sœur, je l'aime pour Allah parce qu'elle aime Allah, elle aime le Coran, elle aime la Sunna, elle déteste le kufr, elle déteste le shirk, elle déteste la bid'a, elle déteste les péchés, et ainsi de suite. Elle encourage au bien, elle a un bon comportement, quand elle me voit, elle me sourit, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses qui font que l'amour en Allah, elle augmente. Si tu vois des gens qui restent entre eux, hein, et qui font des péchés entre eux, et qui malgré tout s'aiment, ils rient ensemble et sont gentils entre eux, malgré leurs péchés, sache qu'il y a un problème dans leur foi. Sache qu'ils ne s'aiment pas pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que ceux qui s'aiment pour Allah, ils s'ordonnent le bien entre eux, ils s'interdisent le mal entre eux. S'ils voient un d'entre eux qui fait quelque chose qui est haram ou quelque chose qui est mauvais, tu le vois dans son visage que tu ne vas pas être content de ça. Tu donnes le bon conseil à ton frère, tu lui demandes de craindre Allah, et ainsi de suite. Ça montre que tu as compris qu'est-ce que ça signifie d'aimer pour Allah. Donc c'est pas juste comme certains des jeunes parfois ils disent, oh non, on veut attirer les gens, on veut juste montrer une atmosphère de fraternité. Et puis quand ils se réunissent, ils font plein de choses haram entre eux, pour soi-disant attirer, pour faire la da'wah. C'est pas ça la da'wah. La da'wah, c'est pas juste d'essayer de faire plaisir à tout le monde, puis quand il y a quelque chose qui est pas correct, tu dis pas qu'est-ce qui est pas correct. Non, tu dis, tu clarifies, bien entendu avec le bon comportement, avec la bonne façon, avec douceur, avec gentillesse, mais c'est juste dans la façon de le faire qui est importante. C'est sûr que si tu vas dire à quelqu'un qui fait quelque chose qui est pas correct, avec dureté, avec rudesse, avec une attitude méchante, tu vas la réprimander, cette personne-là, elle va pas aimer être en ta compagnie. Mais si tu lui donnes le rappel ou que tu lui donnes le conseil et que tu lui parles avec douceur, avec gentillesse, et que tu lui montres l'intérêt que tu as pour lui, pour le bien, c'est sûr qu'elle va accepter, elle va pas se mettre en colère. Mais il y en a même ça, ils veulent pas le faire. Ils veulent pas le faire. Ils laissent tout le monde faire qu'est-ce qu'ils veulent. Une sœur, elle va voir une sœur qui prie par exemple, sans hijab, sans jilbab. Elle prie avec ses vêtements qu'elle sort dehors, peut-être elle se voile pas, elle porte des pantalons. Elle prie comme ça. Tu vas pas dire à ta sœur, ma sœur, tu dois prier avec un jilbab. Si tu pries sans jilbab, ta prière ne sera pas valable. Ou elle risque de pas être acceptée. Même un homme, s'il prie d'une manière avec des vêtements qui couvrent pas correctement sa aura, c'est une des conditions dans la prière. Donc, ils vont pas le dire. Non, il faut pas lui dire, il faut le laisser, tu vois. Subhanallah, tu le laisses comme ça alors que sa prière risque de pas être valable. Ça, c'est pas correct. Ou bien certaines choses comme ça de ce genre. Donc, c'est juste pour vous montrer comme des exemples pour nous faire comprendre que la fraternité, ça implique que si on s'aime entre nous, on doit se corriger les uns les autres lorsqu'on a des défauts, lorsqu'on a des erreurs. Et on doit, si on s'aime réellement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh il dit, wa ma'na kawnu zalika haqqan an yukhalita al-mar ila khalatahu wa huwa yuridu an takuna al-alaqa baynahuma lillah wa yanbaghi an ya'lama annahu idha khalatahu ala أن المخالطة هذه لله وهو يضمر شيئا من أمور الدنيا فهو في الحقيقة قد غشه لأن أخاه لا يعلم ما في قلبه فيظن أن مؤاخاته لله جل وعلا ومحبته في الله جل وعلا وفي الحقيقة أنه أخاه أو آخاه لغرض من أغراض الدنيا يصيبها. Donc le cheikh il dit ça signifie quoi? Ça signifie que un des droits donc de la fraternité, c'est que lorsque tu fréquentes un frère ou que tu restes avec un frère, tu te tiens avec lui et que tu veux que ta relation avec ce frère soit pour Allah seulement, alors il faut donc il faut que la personne sache que lorsqu'il va fréquenter cette personne, hein, il faut qu'il lui fasse savoir que cette relation là va être pour Allah. Mais il ne faut pas qu'il reste avec lui en lui faisant comprendre ou penser que sa relation est pour Allah, puis il cache dans son cœur une autre intention. C'est-à-dire, il fait penser à ce frère que sa relation est pour Allah, mais dans son cœur, il est avec lui pour une autre intention, et il lui montre autre chose. Hein, il lui montre que c'est pour Allah, alors que c'est pour un intérêt de la dunya. Alors, dans ce cas-là, il a trahi son frère. Il a triché son frère. Parce qu'il lui a montré qu'il l'aime pour Allah, alors qu'il l'aime pour la dunya. Hein? Donc, il a trahi son frère, il a triché son frère dans ce cas-là. Parce que son frère, lui, il pense que son frère l'a aimé pour Allah, et par Allah. Hein? Mais nous, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est dans le cœur. Donc, il faut savoir que si ton frère, il ne sait pas ce que tu as dans ton cœur, sache que Allah, lui, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Hein? Et que la réalité de ton amour pour lui, c'est pas pour Allah, mais c'est pour un intérêt parmi les intérêts de la dunya que tu veux. Comme on a dit tout à l'heure, comme par exemple, des fois c'est possible qu'avec ton frère tu vas avoir une interaction pour quelque chose de la dunya, mais la base de ton amour pour ton frère et ta fraternité avec lui doit être établie pour l'amour d'Allah en premier. Puis par la suite, si tu dois faire une interaction, tu fais une interaction avec lui, comme tu peux le faire avec même un kafir. Tu peux vendre, acheter, faire du commerce, même avec un kafir. Hein? Il a quelque chose que, le kafir a quelque chose que tu veux acheter, tu vas l'acheter, tu l'achètes et tu t'en vas. Il veut te vendre quelque chose, tu l'achètes, c'est fini. Mais la fraternité, c'est pas ça. Tu comprends? Donc la base de la fraternité, c'est que ça doit être uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Samaratul mahabba fillah. C'est quoi les fruits de l'amour en Allah et pour Allah? Quand on s'aime en Allah, qu'est-ce qui va en sortir de ça? C'est quoi les fruits de cet amour? Le Cheikh il dit mahabbatul mar'i lillah jalla wa ala tuthmiru samarat. Minha أن يكون العبد في محبته لأخيه قد وفى بالحقوق التي ستأتي لأنه إذا أحبه لله فإنه في كل معاملة يعامل بها أخاه سيخشى الله جل وعلا لأن الذي بعث هذه المحبة في نفسه هو محبة الله جل وعلا فأحب هذا المرء لله وفي الله ولهذا إذا رسخت هذه الحقيقة وقام المرء بهذا الحق ظهر آثار ذلك على قلبه وعلى تصرفاته ومن آثار ذلك وثمراته أن المحبة إذا كانت لله تدوم أما إذا كانت لغير الله فإنها لا تدوم واستبن ذلك في الناس في علاقتهم بين الناس وبإخوانهم وبأهل العلم وبطلبة العلم وفي علاقاتهم مع بعضهم أو مع بعض إخوانهم ممن يملك مالا أو يملك تجارة أو له جاه أو له سمعة أو أنه لما آخاه وصاحبه لا لله ولكن لغرض من أغراض الدنيا متى حصل ذلك الغرض انقضت تلك الأخوة وصار غير شاكر له أو غير مواصل له فضلا عن أن يكون أبعد من ذلك والعياذ بالله ذما له مخبرا بسيئاته وبأحواله التي رآها منه في سالف زمانه. Donc, c'est quoi les signes de la fraternité en Allah et de l'amour en Allah? Le Cheikh il dit, quand on s'aime ou quand tu aimes quelqu'un pour Allah, ça va produire certains fruits. Et par ces fruits, tu pourras reconnaître si cet amour elle est pour Allah ou non. Premièrement, c'est que tu dois, le serviteur, il doit aimer son frère pour Allah, et s'il l'aime pour Allah, parmi ses fruits, il y a qu'il va respecter les droits qu'on va mentionner tout, hein, au fur et à mesure dans cette conférence. S'il l'aime pour Allah, il va respecter les droits de son frère. Parce que s'il l'aime pour Allah, dans sa façon d'agir avec son frère, on va voir qu'il craint Allah. Envers, avec lui. C'est-à-dire, il craint Allah dans sa façon d'agir envers lui. Donc, il ne va pas faire n'importe quoi. Il ne va pas agir n'importe comment. Il ne va pas parler n'importe comment avec son frère. Ou la sœur avec sa sœur, la même chose. Parce que, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a mis cet amour pour cette personne dans son cœur, c'est quoi? C'est l'amour d'Allah. Hein? Jalla wa ala. Donc, il a aimé cette personne pour Allah et en Allah. Et lorsque ça, c'est quelque chose qui est réellement enraciné dans le cœur de la personne, et que la personne a réellement respecté ce droit, on voit les effets de ça dans son cœur. On voit les effets de ça dans sa façon d'agir. On voit les effets de ça parmi, hein, on voit les fruits de ça par le fait que cette relation-là, elle va perdurer. Elle va être continuelle. Tandis que quand des gens, parmi les gens, s'aiment pour un intérêt de la dunya, pour par exemple de l'argent, ou un commerce, ou un statut, ou une réputation, ou des choses de ce genre, et qu'ils n'aiment pas pour Allah, pour un intérêt de la dunya, du moment que la personne, elle a obtenu l'intérêt pour lequel elle aimait cette personne, ou pour lequel elle restait avec cette personne, tu vois que la personne, elle s'en va, elle le laisse. Ça, c'est une preuve que la personne, elle l'aimait pas pour Allah. Elle a eu ce qu'elle voulait, et puis, maintenant, c'est fini. Hein? Donc, ça, c'était pas pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, sinon, on voit clairement que la relation, hein, entre les gens, elle va durer quand c'est pour Allah. Tu vois la relation des gens entre eux, les frères entre eux, les hommes de science entre eux, entre les hommes, les gens qui cherchent la science de l'islam, les tulab ilm, et tu vois leur relation avec leurs frères, hein, parmi ceux qui ont de l'argent ou qui ont du commerce ou qui ont un statut. Hein. Quand par exemple tu vois quelqu'un par exemple qui est pauvre, il a un ami qui est riche. Mais il n'y a aucun intérêt pour l'argent entre les deux. Et lui, il est le frère de l'autre. Mais quand ils sont entre eux, c'est comme si les deux sont au même niveau. Et lui, il ne pense pas à son argent. Et l'autre, il n'a aucun problème par rapport à le fait que, par exemple, il ne ressent aucune jalousie ou aucun intérêt que la personne, elle veut quelque chose de lui. Parce que la seule chose qui les réunit, c'est l'amour d'Allah, l'amour de l'islam, la fraternité islamique. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Qu'est-ce qu'il dit par la suite, quand cette fraternité qui est basée sur la dunya, lorsque la personne a obtenu ce qu'elle voulait, qu'est-ce qui arrive comme résultat? Hein? Eh bien, ils se séparent. Et cette fraternité, elle s'en va. Et la personne devient comme si elle est ingrate envers elle, même pas reconnaissante. Hein? Et elle ne va plus continuer à contacter et à garder les liens avec cette personne. Et ça peut même aller plus loin que ça, wal'iyadhu billah, à un point tel que peut-être que même cette personne-là, qui auparavant était avec elle pour la dunya, après qu'elle s'est séparée d'elle, elle commence à la blâmer et à mentionner du mal de cette personne. Hein? Alors que elle était amie avec elle auparavant. Donc ça, c'est des signes que c'est pas de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième droit, Cheikh il dit, الثاني أن يقدم الأخ لأخيه الإعانة بالمال والنفس ولا شك أن الناس مختلفون في طبقاتهم ورغم ذلك بعضهم لبعض خدم. الغني يخدم الفقير والفقير يخدم الغني من كان ذا جاه فإنه يخدم من ليس بذي جاه وجعلهم الله جل وعلا كذلك ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه في تصنيف الناس. وما دام الأمر كذلك فإن من حق الأخوة من حق الصحبة الخاصة أن يسعى المرء في بذل نفسه وماله لأخيه الخاص، لأن حقيقة الأخوة أن يأثر المرء غيره على نفسه. سبحان الله. Donc qu'est-ce qu'il dit le Cheikh comme deuxième droit parmi les droits de la fraternité? C'est que le frère, il doit fournir ou donner à son frère l'aide financière et l'aide de sa personne à son frère. Et il n'y a pas de doute, bien entendu, que les gens sont divisés en différents degrés. Dans la dunya, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné différents degrés. Certains d'entre nous sont au service des autres. En réalité, on est tous au service des autres. Hein? C'est pas juste les pauvres qui servent les riches, mais les riches aussi servent les pauvres d'une autre façon. Parce qu'on a tous besoin des uns des autres. Et on doit tous travailler les uns avec les autres et pour les autres, d'une façon ou d'une autre. Hein? Même le riche, il a besoin des pauvres. Hein? Et même le dirigeant, il a besoin des gens qui vont travailler pour lui. Et les gens ont besoin des riches. Et ainsi de suite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a voulu qu'il y ait des degrés comme ça entre les gens, qui est le pauvre et le riche, hein, et ainsi de suite. C'est Allah qui a divisé les hommes de cette façon-là pour les mettre à l'épreuve et pour les tester. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc, pour qu'on s'utilise les uns les autres, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyan. Et ça, c'est une réfutation du socialisme. De ceux qui pensent qu'il faut que tous les hommes soient égaux en tout, et que l'argent de tout le monde doit être le même, personne ne doit être plus riche que l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait des différences et des inégalités pour mettre les hommes à l'épreuve et pour que les uns servent les autres et pour que les uns s'entraident avec les autres. Hein? C'est pour cette raison-là. Donc il y a une sagesse là-dedans. Et donc, du moment que les choses sont comme ça, hein, ça c'est, il faut comprendre que le Cheikh il dit à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ça c'est la sourate Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et la miséricorde de ton Seigneur est meilleure que ce qu'ils ont rassemblé. Et donc, ça c'est la volonté d'Allah et c'est l'ordre d'Allah et la sunna d'Allah dans sa création, qu'il a catégorisé les hommes. Et du moment qu'on sait que les choses sont comme ça, alors il faut comprendre que parmi les droits de la fraternité, les droits du fait qu'on soit compagnons les uns des autres de façon particulière, plus particulière comme des amis, hein, proches, en plus d'être des frères en islam, c'est que chacun fasse l'effort de dépenser de sa personne et de dépenser de son bien envers son frère qui est son frère de façon plus particulière. Hein? Parce que la réalité de la fraternité signifie que tu dois préférer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le décrit dans le Coran. Il dit الَّذِينَ امْتَثَلُوا ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا فَالْإِثَارُ من حقوق الأخوة المستحبة فإذا كان في هذا درجة في هذا الدرجة من في فإذا كان هذا في درجة الإيثار فذاك من الخير ولكننا نطلب شيئا أقل من الإيثار وهو أن يتفقده بشيء فاضل في وقته. سبحان الله. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit, ça c'est pour les liens de la fraternité, qui sont les liens de fraternité et des droits de la fraternité qui sont plus particuliers entre des frères qui sont amis entre eux, hein, Ça, c'est un droit supplémentaire et supérieur au droit de la fraternité islamique ordinaire et générale, du fait que quelqu'un, yani, il essaie d'implémenter l'exemple de ce que Allah dit dans Surat al-Hashr, le verset 9. Qu'est-ce qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, à propos des muhajirin, à propos des ansar? Il décrit les ansar en disant وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. C'est-à-dire, et ils donnent précédence à leurs frères, alors qu'eux-mêmes, ils sont dans le besoin. Subhanallah. Ça, c'est l'exemple qu'on a vu. Il y a des exemples de ça dans le tafsir de ce verset, que les ansars eux-mêmes, ils étaient pauvres, ils avaient de la difficulté, ils avaient de la misère, mais malgré ça, ils donnaient à leurs frères de qu'est-ce qu'ils avaient, et ils donnaient précédence à leurs frères, hein, dans les biens qu'ils possédaient. Le cheikh, il dit, ça fait partie des droits recommandés de la fraternité. Ça dit, c'est pas les droits obligatoires, mais recommandés, parce que c'est un degré plus élevé. C'est un degré plus particulier, ça, al-ithar. C'est-à-dire de préférer pour son frère. C'est un degré plus élevé encore dans la fraternité, quand c'est une fraternité particulière. Comme certains des salafs ont mentionné, par exemple, à ce sujet-là, qu'ils ont dit, si, par exemple, une personne, elle dit que l'autre est son frère, il ne devrait pas avoir de problème pour lui qu'il rentre sa main dans son portefeuille, il prend dedans ce qu'il veut ou il laisse ce qu'il veut sans lui demander sa permission. Dans le sens que, quand ils sont arrivés à ce degré de fraternité, que pour lui, son portefeuille, c'est comme le portefeuille de son frère. Il n'y a pas de différence entre les deux. Hein? Donc ça, c'est un exemple, mais ça, c'est pas un droit obligatoire de la fraternité. Ça, c'est un autre droit plus particulier, pour un degré plus élevé. Hein? D'accord? Le cheikh, il dit donc, nous, on ne demande pas, on n'est pas demandé ce degré-là. Nous, qu'est-ce qu'on est demandé? On est demandé quelque chose beaucoup moins que ça. Nous, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est seulement de veiller à se renseigner sur les besoins de notre frère. À savoir, est-ce qu'il manque de quelque chose? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Pour que tu lui donnes le surplus de ce que tu possèdes lorsque c'est nécessaire à ce moment-là. Hein? Comme il dit, أن يتفقده بشيء فاضل في ماله. وقد قال بعض العلماء إن من آداب أداء هذا الحق أن لا ينتظر أن يسأله أخوه ذلك الشيء بل يبتدى هو ويبحث عن حاجة أخيه الذي صافاه وواده في الله جل وعلا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في الصحيح بعض الصحابة أن يلقوا ما معهم الآخرين من الصحابة في بعض الغزوات حتى قال الراوي حتى لم يكن أحدنا يرى أن له فضلا على أخيه وهذا لا شك من المراتب العظيمة ولكن هذه المسألة هي بذل المال وبذل النفس مسألة عظيمة لما ولها مراتب. Donc le cheikh il explique. Encore, il dit, donc on parle nous seulement de voir aux besoins de nos frères et de lui donner dans ce qui est le surplus dans nos biens et non pas de lui préférer, de lui donner précédence ou préférence, parce que ça c'est un degré plus élevé comme on a dit. Et certains ulama ont dit, et parmi les manières, les bonnes manières de veiller aux droits de notre frère, c'est qu'on n'attende pas qu'il nous demande. C'est-à-dire, on n'attend pas que notre frère nous demande cette chose. Mais nous-mêmes, on le devance. Hein, pour, yani, chercher à savoir quel est son besoin. Hein, et moi, je dirais même, par rapport à ça aussi, comme quand j'apprenais, yani, l'islam avec un des cheikhs avec qui j'ai appris à Montréal ici avant d'aller en Arabie. Il m'avait appris un principe ou un point qui était très très bien, que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il me disait, quand tu invites quelqu'un, quand quelqu'un est invité chez toi ou quelqu'un vient chez toi, tu ne dois pas lui demander est-ce que tu veux quelque chose. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Est-ce que tu veux manger quelque chose? Parce que la personne, par la gêne, elle risquerait de ne pas dire oui. Alors que peut-être quand elle-même, elle a vraiment envie de boire quelque chose ou de manger quelque chose. Donc il dit, la bonne manière, c'est que tu lui emportes, tu lui apportes qu'est-ce que tu veux lui donner. Comme ça, la personne ne va pas être embarrassée ou gênée de dire oui, hein, puisque des fois c'est gênant de dire oui, hein, même s'il n'y a pas de gêne à ça, mais c'est mieux de le faire de nous-mêmes, hein. Donc avant que la personne ait besoin de nous dire ou de nous demander, il faudrait, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, il faudrait nous-mêmes se renseigner ou chercher à savoir quels sont les besoins de notre frère pour être capable de lui, hein, donner ce droit-là et de l'aider pour Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout si c'est un frère qu'on a aimé en Allah et qu'on a fréquenté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, que, comme c'est mentionné, comme, ou bien comme ça a été ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par un hadith qui est rapporté selon Muslim, ou par Muslim, que dans le Sahih, que certains des Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné de donner aux autres sahaba des choses qu'ils avaient besoin lorsqu'ils partaient pour une bataille. Et comme c'est mentionné, comme un des narrateurs a dit, jusqu'à ce que l'un d'entre nous ne voit aucun privilège ou bien aucune qu'il ne voit pas que son frère a quelque chose de plus que lui. C'est-à-dire, il a ordonné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux sahaba que chacun donne à ses frères qu'est-ce qu'ils ont besoin, jusqu'à ce que l'un d'entre eux ne voit pas que son frère a plus que lui, ou que lui ne voit pas que lui il a plus que son frère. Donc, ils ont commencé à se donner entre eux qu'est-ce que chacun avait besoin. Hein? Toi, par exemple, on va dire, si par exemple un d'entre eux il avait plus de nourriture, l'autre il n'en avait pas, il lui donne. L'autre il a 4 flèches, l'autre il a juste 2, donc il lui en donne 2. Hein? Ainsi de suite, il lui en donne 1, comme ça ils ont tous les 2 égales. Ainsi de suite. Pour justement que yani, les gens soient, ne voient pas qu'un avait un privilège sur l'autre ou plus, quelque chose de plus que l'autre. Et donc le cheikh il dit qu'il n'y a pas de doute que donc il y a des degrés, des grands degrés de différence entre les gens dans ces questions-là. Mais la question ici, c'est donc de dépenser de ses biens et de dépenser de sa personne. Et les gens sont différents degrés dans ça. C'est pas juste de l'argent qu'on peut donner. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut donner aussi. De donner de notre temps, de donner de notre énergie, de donner des services. Hein? Un frère, il a une voiture, par exemple, il aide un autre frère à transporter des choses. Un autre frère, il a un poste important, il est capable d'intercéder pour lui, d'intercéder pour lui pour l'aider à obtenir quelque chose, un poste ou quoi, il parle en sa faveur, ou des choses de ce genre. Tout ça sont des choses par lesquelles un musulman peut aider son frère. Et il ne doit pas attendre, mais il devrait plutôt aller vers son frère puis lui demander, est-ce que ça t'intéresserait de telle ou telle chose, hein? Ou est-ce que je pourrais t'aider avec telle ou telle chose, ou des choses de ce genre. Il dit, فَمِنْ حُقُوقِ الْأُخُوَى أَمْ تَبْذُلَ مَا لَكَ لِأَخِيكِ وَفِيهِ نَطْلُبُ بَذْلَ الْمَالَ الْفَاضِلِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَكَ شَيْءٍ زَائِدٍ تُقْرِضُهُ وَقَرْضُ الْمُسْلِمِ مَرَّةٌ خَيْرٌ وَإِحْسَانٌ وإذا أقرضه مرتين فهو صدقة كأنه تصدق على أخيه بتلك الصدقة كما روى ابن ماجه في سننه من أقرض أخاه مرتين فهو كالصدقة عليه وهذا أمر عظيم. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit donc parmi les droits des frères, c'est que un frère, il donne de ses biens, de son argent à son frère. Et nous, il dit, on ne demande pas qu'il donne, hein, ce qu'il a de, comme bien qui lui est nécessaire, ou qu'il a besoin, mais qu'il donne du surplus. Et même pas de lui donner, même de lui prêter, hein. Il dit, tu fais un prêt à ton frère, tu lui prêtes une fois, c'est un bien, et c'est une bonne chose. Il dit, et tu lui reprêtes une deuxième fois, et ça, c'est considéré comme une aumône. Même si c'est un prêt, c'est considéré comme une aumône. Et il mentionne un hadith rapporté selon Ibn Majah, qui dit, celui qui a prêté à son frère deux fois, c'est comme s'il lui avait fait une sadaqa. C'est comme s'il lui avait fait une sadaqa. Et ça, c'est une chose qui est très grande. Hein? Il dit, « Wa huwa bazlul mal min ghayri su'al. Li'anna fi hada bazlul fadl. Wa li'anna fi hada iqamatu aqdil ukhuwa. Alladhi yubzalu mubtadi'an. Ou yubzalu mubtadi'an laysa kaman yubzalu mas'oulan. » Donc, le cheikh, il dit ça, c'est une chose très grande. Et donc, que tu dépenses de tes biens sans qu'on te le demande. Tu donnes de tes biens sans qu'on te le demande. Et tu dépenses du surplus. Tu dépenses du surplus de ce que tu possèdes. Et il y a dans ça le fait d'établir le contrat de la fraternité entre nous. Et c'est que tu dépenses en premier sans qu'on te le demande. Parce que celui qui donne avant qu'on lui demande, c'est mieux que celui qui donne parce qu'on lui a demandé. Ensuite, le cheikh dit, وَقَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى فِي صِفَةِ الْمُؤْمِنِينَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وَكَوْنُهُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ يَقْتَضِي أَنْ يَرْحَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيمَا يَحْتَاجُهُ فحق الأخ على أخيه حقوق الأخوة الخاصة أن تسعى في ذلك لأن عقد الأخوة خاص الخاصة يقتضي البذل وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي الحديث الآخر وهو حديث صحيح مشهور المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يشد بعضه بعضا. Donc le cheikh il dit ensuite que donc tu dépenses ensuite, il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la description des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit dans le Coran les croyants en disant, Muhammad est le messager d'Allah. Il dit ce qui signifie, Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont rudes et durs envers les kuffars, tandis qu'ils sont miséricordieux entre eux. Ils sont miséricordieux entre eux. Et le fait qu'ils soient miséricordieux entre eux, ça signifie et ça implique quoi? Ça implique qu'ils ont de la miséricorde les uns les autres dans ce que l'un a besoin par rapport à l'autre. Si tu vois que ton frère il a un besoin, tu dois lui venir en aide. Hein? Subhanallah. Et vous voyez les kuffars comment ils s'entraident entre eux dans le kufr, dans le péché, dans la désobéissance d'Allah, dans le haram, dans tout ce qui est kufr et shirk ou d'égarement. Et ils s'entraident entre eux, et ils dépensent de leur argent entre eux, et ainsi de suite. Et donc nous, on devrait être encore plus fort là-dedans. Et si on s'entraidait réellement comme Allah nous l'a ordonné, et comme l'islam nous ordonne de le faire, on n'aurait aucun problème. Peu importe où on est. On n'aurait aucun problème économique, on n'aurait aucun problème d'autres catégories ou d'autres genres. Hein? On s'entraiderait dans le commerce, on s'entraiderait dans les entreprises qu'on veut faire, on s'entraiderait dans nos projets qu'on veut faire entre nous, et ainsi de suite. Aucun problème. Hein? Donc ça, c'est des exemples Le cheikh, il dit, les droits de la fraternité particuliers, les droits du frère par rapport à son frère, et les droits de la fraternité particulière ou spéciale, ça c'est des choses dans lesquelles on doit faire des efforts, et ce contrat de fraternité particulier, il implique donc entre nous qu'on dépense de nos biens, hein, qu'on dépense de nos biens. Et comme c'est mentionné dans le hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que l'exemple des croyants entre eux, dans leur amour, dans leur miséricorde les uns envers les autres, dans leur amour les uns envers les autres, dans leur affection, dans leur douceur les uns envers les autres, c'est comparable à un seul corps. Quand une partie ou un membre souffre d'une douleur, le reste du corps souffre également et ressent la fièvre et as-sahar. As-sahar, c'est-à-dire tu ne peux pas dormir la nuit, tu veilles à cause de cette douleur. Hein? Donc c'est ça. Donc, ce hadith-là, combien de fois on l'a entendu? Combien de fois, à chaque fois on l'entend dans les khutab, dans les durus, les gens entendent et connaissent, tout le monde connaît ce hadith. Mais l'application de ce hadith, c'est ça l'important, de le mettre en application. C'est ça qui n'est pas facile. C'est ça la réalité de qu'est-ce qui nous manque. Est-ce que nous, entre nous, juste parmi ceux qui sont assis ici à Montréal, là, devant nous, là, maintenant, ceux qu'on est en train de, on est tous ensemble, est-ce que vous avez l'impression qu'on est comme un seul corps, maintenant, là? Si je vous dis là, maintenant, à ce moment, à Montréal, depuis que vous connaissez, par exemple, l'islam, depuis que vous êtes converti, ou bien, il y a année depuis que vous, connaissez, là, vous êtes venu habiter au Canada ou des choses comme ça, est-ce que vous avez senti que les musulmans à Montréal sont comme un seul corps? Hein? Dans leur amour les uns pour les autres, dans leur affection les uns pour les autres, dans leur miséricorde les uns envers les autres. Hein? Donc ça, c'est des choses qui doivent nous faire réfléchir, que ce hadith-là, il ne faut pas que ce soit juste un hadith qu'on mentionne, mais il faut qu'on essaie de l'appliquer. Et il y a beaucoup de musulmans, malheureusement, ils ne veulent pas qu'on applique ce hadith. Ils veulent juste profiter des musulmans pour de l'argent. Et c'est tout. Du moment que les gens ils sont là, ils donnent l'argent, par la suite, l'ordre d'Allah, la religion d'Allah, l'obéissance à la sunna, c'est secondaire. L'important, c'est que les business commencent à marcher, et les choses comme ça. Vous avez, par exemple, c'est pas pour critiquer personne en particulier, mais vous avez, par exemple, des exemples d'annuaires, des annuaires, des affaires, des commerces musulmans. C'est une bonne initiative de faire ça, parce que on dit, bon, ça c'est pour encourager les musulmans à faire du commerce entre eux, puis à s'encourager économiquement les uns les autres. Sauf que des fois tu vois dans ces choses-là des choses qui sont en contradiction avec l'islam. Des gens qui ont des commerces qui ont affaire avec riba, des commerces qui font des choses haram, des choses comme ça, puis ils mettent ça dans les annulaires musulmans. Hein? Des exemples de péchés comme ça, ça devient comme si c'était correct. Mais là, il y a un problème. Hein? Donc, c'est pas juste de dire qu'on est des frères parce qu'on est musulmans, parce que, on dit on est des frères, on est musulmans, on est entre nous, on s'entraide entre nous, sans tenir compte des règles de l'islam et des ordres de l'islam, sans tenir compte du tawhid, de la sunna. Hein, et des enseignements de la religion. On est musulmans, on est des frères, peu importe qu'est-ce qu'on fait, peu importe qu'est-ce qu'on dit, peu importe comment on agit. Ça, c'est pas correct. Dans le sens que cette fraternité-là, si on veut qu'elle soit correcte, il faut qu'elle soit basée, comme on l'a dit, sur l'amour d'Allah, sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le Coran, sur la sunna, sur le tawhid, et sur l'application des principes de l'islam. Hein? Et si vous voyez que notre fraternité, elle est faible entre nous, c'est peut-être justement parce qu'on n'est pas encore assez sincère dans notre foi. et qu'on a beaucoup de choses dans nos cœurs qui, et dans nos actions et dans nos paroles qui fait que notre fraternité elle peut pas être plus solide que ça parce que on a trop de choses qui nous divisent, qui nous éloignent de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu vois par exemple des frères, des sœurs, elles défendent des bid'ah, elles défendent des jeunes bid'ah. Et puis après quand tu leur parles, tu leur dis ça c'est pas correct. Et lui il est pas correct, il faut faire attention à ça. Et elles veulent pas accepter, elles veulent pas écouter. Quand tu lui dis, ah, ça c'est haram, mon frère, il ne faut pas faire ça, la personne elle dit, laisse-moi tranquille, hein, je fais ce que je veux, et ainsi de suite. Comment tu penses qu'on va avoir des liens de fraternité entre nous si on agit de cette manière-là? Notre fraternité, c'est sûr qu'elle va diminuer quand il y a des choses comme ça. Parce que notre fraternité, elle est basée sur la foi, elle est basée sur l'amour en Allah. Donc c'est important. Hein, de faire des efforts justement pour vraiment comprendre qu'est-ce que ça signifie cette fraternité. Et je me souviens quand avant l'islam, bon c'est une autre histoire, si je commence à expliquer ça va être trop long, donc on laissera ça pour une autre occasion, mais j'ai une anecdote à ce sujet-là et puis je vous la partagerai en temps voulu inshallah. L'autre hadith que le cheikh il a mentionné, c'est un hadith qui est très célèbre aussi, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant, par rapport à un autre croyant, eh bien, il est comparable à une construction, comme un mur, comme les briques d'un mur. Ils se retiennent les uns les autres, ils se supportent les uns les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entrelacé ses doigts quand il a mentionné cette parole pour faire comprendre comment les croyants sont. Il a entrecroisé ses doigts pour dire c'est comme ça que les croyants doivent être par rapport à un autre musulman. C'est que chacun, il va supporter l'autre. Il va solidifier l'autre. Hein? Et justement, par rapport à ça, l'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait avant la prière, il disait Stow i'tadilu, saw al-sufuf, suddu al-furaj, la tahtalifu fa tahtalifa qulubukum, inna taswiyat al-sufuf min tamam al-salah. Hein? Donc il disait alignez vos reins, fermez les espaces entre vous, hein? Et ne divergez pas dans les reins, hein? Ne faites pas des inégalités dans les reins, parce que sinon vos visages ou bien vos cœurs vont se diviser. Et il y a des gens maintenant, si tu leur demandes de faire les reins droits, et quand tu demandes à ces gens-là de reculer ou d'avancer, ça les dérange. Et des fois même tu les vois qui se séparent complètement de la personne qui est à côté. Tu veux coller ton pied à côté d'elle, et elle écarte son pied. Donc, tu dis, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, puis tu vois, eux, ils font le contraire. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sinon vous allez avoir des divisions entre vos cœurs. Donc, on doit faire attention à ces choses-là si on veut pas que nos cœurs soient divisés. Mais c'est ça ce qu'on voit maintenant. Hein? Et malgré qu'il y a les lignes, parfois, parce qu'on sait qu'à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de lignes par terre pour faire les rangées. Aujourd'hui, on fait des lignes, soit avec les tapis, ou soit avec des lignes dessinées, ou bien avec un collant. Malgré ça, les gens ne peuvent pas rester dans une ligne droite. Malgré la ligne. Hein? Et on sait que ce n'est pas dans la sunna de faire des lignes comme ça dans la mosquée. Mais quand il n'y a pas de ligne, quand tu vois des gens rentrent dans une mosquée et il n'y a pas de ligne, ils sont perdus. Ils se sentent perdus des fois. Mais comment on se place? Parce qu'ils ont perdu l'habitude de faire revivre cette sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de redresser les reins. Ça fait partie aussi des choses qui aident à la fraternité. Et quand le Cheikh Ramzan, hafizahullah, il est venu dernièrement, il nous a montré comment on prie et il nous a montré comment on doit placer nos pieds dans la prière. Et il a dit que la distance qui est entre nos jambes, entre nos deux pieds, devrait être équivalente à la distance de nos deux épaules. Et si on respecte ça, le rein va être droit. Parce que, de cette façon-là, chaque personne peut coller son pied à côté du pied de son frère. Mais si tu écartes trop tes pieds, eh bien là, ça crée un déséquilibre. Hein? Parce que toi, tu vas avoir moins d'espace de ton côté, tu vas être obligé de coller tes pieds. Et l'autre à côté de toi, il ne pourra pas coller son pied sur toi, donc ça fait un déséquilibre. Et si tu rentres tes pieds trop collés, les deux pieds collés, l'autre personne qui est à côté de toi, elle est obligée d'écarter son pied pour venir coller son pied jusqu'à ton pied à toi. Et donc là, c'est compliqué par la suite, et même c'est impossible, parfois tu n'es pas capable de fermer cet espace entre les rangs. Et ça, ça crée de la division entre les cœurs. Hein? Donc ça, c'est très important de faire attention à ce genre de choses-là pour justement que Allah ne divise pas entre nos cœurs à cause de ça. إذن فهذا الحق شيخ الزي فإذن فهذا الحق هو بذل النفس أن يعود الأخ أن يبذل نفسه وماله ووقته لأخيه. Donc il dit, donc ça c'est le droit de dépenser de sa personne, et il faut habituer, il faut qu'un frère s'habitue lui-même à dépenser de sa personne et de ses biens et de son temps pour ses frères. C'est-à-dire que des fois, si on n'a pas cette habitude, on n'a pas développé cette habitude-là en nous-mêmes ou ce comportement-là en nous-mêmes, eh bien, on doit essayer de s'habituer à le faire pour essayer de développer donc cette caractéristique. Il dit ensuite وَأَنْ يُقِيمَ فِي الْقَلْبِ حَقِيقَةَ التَّخَلُّصِ مِنَ الشُّحِ وَالْمُؤْمِنُ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَتَخَلَّصْ مِنَ الشُّحِ أمر استحباب وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك بقوله وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. شح النفس أنواع قد يمكنه أن يذهب مع أخيه إلى مكان ليعرفه إياه أو يبذل له جاهه أو ليذكره عند أحد فيبخل بهذا الجهد ويشح بالنفس ويشح ببعض الوقت على أخيه نسأل الله العافية. Donc le cheikh dit donc que c'est possible. Donc il dit, tu dois mettre dans ton cœur ou établir dans ton cœur la réalité qui fait que tu vas être capable de te débarrasser de ton avarice. Hein? Si quelqu'un, par exemple, si quelqu'un, par exemple, il a un peu d'avarice ou bien il a un peu d'égoïsme en lui-même, alors il est ordonné de se débarrasser de ça. Et cet ordre-là, c'est un ordre de recommandation. C'est-à-dire, il est recommandé de le faire. Parce que, et Allah a glorifié les personnes qui se débarrassent de cette avarice ou de cette, hein, le fait d'être chiche ou d'être avare. Parce que quelqu'un n'est pas obligé de partager tout ce qu'il a. Il n'est pas obligé de donner à tout le monde tout ce qui lui appartient. Hein? Mais c'est quelque chose, s'il le fait, c'est recommandé de partager avec les autres. Donc, l'ordre de partager, c'est un ordre de recommandation dans ce cas-là. Mais celui qui le fait, Allah a fait ses éloges. Et il mentionne dans le verset 9, dans Surat al-Hashr, il dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et dans surat al-Taghabun aussi. C'est-à-dire, celui qui s'est débarrassé, qui a été épargné de l'avarice de son âme, alors celui-là, il fait partie de ceux qui auront le succès. Donc, après, il dit فَقَدْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَ أَخِيهِ إِلَى مَكَانٍ. Donc, ça se peut que, yani, c'est possible pour toi d'amener quelqu'un à un endroit pour lui faire connaître cet endroit. Par exemple, quelqu'un, il cherche quelque part, il cherche un endroit, une place. Par exemple, il cherche une mosquée ou il cherche une école. Puis toi, tu sais où est-ce qu'elle est cette école. Tu es capable de le prendre puis de l'amener jusque là-bas. Et, ou bien, sinon, tu as un statut, tu as un poste important. Hein? Tu es capable d'utiliser l'influence que tu as pour changer quelque chose, ou arranger quelque chose, ou aider quelqu'un. Ou bien, tu es capable de mentionner quelqu'un auprès d'un autre. Tu sais que l'autre, il a besoin de quelque chose, et que telle personne est capable de l'aider. Tu es capable d'aller voir cette personne parce que tu le connais, pour lui dire, telle personne a besoin de ton aide. Hein? Tu es capable de faire tout ça. Sauf que tu fais preuve d'avarice, puis non, tu décides de pas le faire. Puis de garder tes choses pour toi, et de pas dépenser ton effort pour aider tes frères, ou aider ton frère en islam, avec un peu de temps, ou avec un peu de ta personne, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un manque. Ça, c'est un manque. C'est quelque chose de c'est-à-dire, il manque quelque chose dans ta fraternité envers ton frère, dans ce sens-là. ما الحقيقة أو ما حقيقة الأخوة إذا لم يكن ثم بذل وعطاء في هذه المسائل وغيرها. Le cheikh il dit, et on va s'arrêter après ça, il dit, où est-ce qu'il est la réalité de la fraternité s'il n'y a pas de ce genre de dépenses de nos personnes, ou de notre argent, ou de notre temps? Si on ne dépense pas dans ces choses-là, où est-ce qu'elle est la fraternité? Où est-ce qu'elle est la fraternité dans ce cas-là? Hein? Si tu ne donnes pas dans ces questions-là. Et on a mentionné dans un hadith, le cheikh dit, وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَيْضًا مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. Subhanallah. Qu'est-ce que ça signifie ce hadith? Ça veut dire, celui qui est là pour le besoin de son frère, Allah sera là pour son besoin à lui. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a plusieurs versions de ce hadith. Man kana fi auni, kana Allah fi auni, wallahu fi auni al-abd, ma kana al-abd fi auni akhihi. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala va aider le serviteur, du moment que le serviteur aide son frère. Donc ça, c'est des choses qu'on doit tous prendre en considération et réfléchir là-dessus. Hein? Donc on va s'arrêter maintenant, hein, pour vous laisser le temps, comme ça vous pouvez faire l'oudo si vous devez faire l'oudo, ou préparer pour la salate, puis on va faire le adhan dans quelques instants, inshallah. Et la suite de cette conférence, bi'ithnillah, au sujet de la fraternité, elle va se poursuivre demain, inshallah, après la prière de Dhuhr. C'est-à-dire, on prie ici à, je pense, 1h30. Donc, demain, c'est à 1h30. Donc, tout de suite après la prière, inshallah, on va commencer. On va continuer cette conférence, inshallah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.